Ludo. Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Barbra Streisand. Streisand. Streisand. Streisand. A million volts in a pool of light,

Allez, petit souvenir, Paquito, Living on Video. Thank you.

que le llego a tomar un gol. En la Raptor me gusta ponerle en fall. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco, Micro, dosis, trola, oxi. Besando solo veo glossy. Ludo. Le mix de Ludo. de Ludo.

soirée qu'une fois rend tout plus beau. Jamais non, l'amour, le loup, c'est ton nom. Dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non.

in the morning. If I fall down, then I can keep crawling. Alors, Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, je te dis huissier, qui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses, qui toujours et dit divorce. Qui dit proche, je te dis deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, je te dis monde, qui dit famine, qui dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, qui réveille, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Le mix de Ludo. Dans la zone, pour la croix, ça fait des pés, ça crie à ras. Dans le monde, je suis sous pis, je suis sous terre, sans l'avocat. RS3, Coca-Cola, Ultra, Search, je le hâte. Section 9, Daniel Gomme, Magadji, c'est pas étonnant, je garde. Dans la zone, pour la croix, ça fait des pés, ça crie à ras. Dans le monde, je suis sous pis, je suis sous terre, sans l'avocat. terre. Normal, c'est de la frappe. À cheval sur la canne de bière. Torse nu comme Poutine Vlad. Passe-passe dans la cabeza. Y'a des kilos de peuple dans les balisa. Je suis à Ibiza, des bouteilles en fusillade. J'ai cramé la visa. Et ça fait ça, c'est pas bon. Et dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, ça la vodka. RS3, cacagoule, un crasseur, cherche le AK. 5 Chanel, elle donne le go, bagagine, c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la droite, ça fait des pères, ça qui arra. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, ça la vodka. RS3, cacagoule, un crasseur, cherche le AK. 5 Chanel, donne le go, bagagine, c'est Petrushka. TikTok, Twitter, entêté, j'traîne pas un Phuket en pépé, j'mets les lits dans poussette du bébé, ça tape, j'vais tout jeter dans l'évier, pas la sauce, oui, ça va péter. En jogging, ça râle de temps, j'encaisse, souris, tu dis des chants, j'me rappelle, j'peux être méchant, j'peux jouer en attaque et en défense, j'fais 6, j'fais 100, j'fais 1000, j'fais 100, débile, méchant, ta sauce déterre, pas petit, pas de grand, pas de petit, pas de danse, pas de que j'avance, ta sauce déterre. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Sound of nature.